dans la pièce avec ses rondes fesses. Oui, grosse fille, je t'aime tout en boule. D'une mince, je suis cocu. Je me suis trouvé une de dure. Oui, grosse fille, je t'aime tout en boule. Je suis plus capable des petites minces qui se font même trop bronzer. Ils ont juste l'air des patins de petits salamis salés. Moi, mon petit cœur coule quand je vois une grosse fille qui ressemble à deux boules de crème glacée à vanille. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Gros appétit au souper, gros appétit au coucher, ouais. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Quelque chose de bien enveloppé, ça sert à se faire déballer, ouais. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Quand il fait trop soleil, je veux que la chaleur tombe. Je te garde à mes côtés parce que tu me fais de l'ombre. Mais en même temps, c'est vraiment pas aussi hot qu'un one night passionnant avec une ronde en bas. Grosse fille, je t'aime tout en boule. La chaleur tombe, je te garde à tes côtés parce que tu me fais de l'ombre. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Mais en même temps, c'est vraiment pas aussi hot qu'une one night passionnée avec une ronde en bas. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Grosse fille, je t'aime tout en boule. Grosse fille, je t'aime tout en boule.